scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la catastrophe en tant qu'expérience. Le mot catastrophe est d'origine 100% grecque. C'est Rabelais qui, en 1564, l'a introduit dans la langue française pour simplement désigner un bouleversement se produisant par renversement ou par retournement d'une situation. Mais à la Renaissance, le terme n'allait pas tarder à désigner tout à fait autre chose. La destruction, la calamité, le désastre, le cataclysme. Les catastrophes semblent humainement absurdes, impossibles même lorsqu'elles sont en train d'avoir lieu, ce qui ne les empêche pas de surgir régulièrement, suscitant chaque fois la stupeur et l'effroi. Elles défigurent la pensée, l'annulent même. Elles produisent comme une échappée hors des routines de l'esprit. Elles créent un écart symboliquement violent avec le monde tel qu'il avait pris l'habitude d'être, écart qui engendre un imaginaire spécifique, seul capable d'appréhender le pire lorsque celui-ci échappe à toute compréhension. Du chaos primordial à l'apocalypse, du déluge à la fin des temps, de la tour de Babel à l'an 1000, innombrables sont les constructions imaginaires qui ramènent à la catastrophe comme à une constante. Une constante autour de laquelle l'humanité aurait cherché à se définir en plaçant son rapport au monde sous le signe de l'accidentel. Mais comment vit-on concrètement avec les catastrophes ? Et comment parvient-on après elle et à partir d'elle à refabriquer du sens, alors même qu'elle semble signer la faillite du sens? Pour en discuter, j'ai invité Yann Moreau. Bonjour Yann Moreau. Bonjour. Vous êtes physicien de formation, vous êtes devenu anthropologue et vous êtes aujourd'hui maître assistant à l'École nationale des mines ParisTech, au centre de recherche sur les risques et les crises, et vous venez de publier au PUF un livre dont le titre est « Vivre avec les catastrophes ». Alors j'ai une première question, je viens de dire que vous étiez physicien de formation. Est-ce que ça modifie votre façon d'être anthropologue par rapport à vos collègues ? Je pense que, en tant que physicien, ma formation de physicien fait que je ne peux pas prêter une dimension uniquement construite à la réalité que fait surgir la science. Vous croyez à une objectivité des phénomènes ? Je crois à une objectivité plurielle des phénomènes qui fait qu'il peut y avoir plusieurs manières de dire le réel, plusieurs manières de l'expérimenter, plusieurs manières d'en faire l'expérimentation, et que ces manières-là ne s'annulent pas, elles ne sont pas contradictoires, mais se complètent. Et vos collègues qui n'ont pas de formation de physicien sont d'accord avec ce point de vue ? Vous avez des discussions sur le statut de la réalité qui se donne à vous ? Je pense, moi, à un relativisme borné. Pas un relativisme sans fin où chaque chose se vaudrait, mais à un relativisme qui regrouperait différentes... Un relativisme limité, pas borné au sens de limité, pas au sens de stupide. Ah oui, non, au sens qu'il n'y en a pas une infinité et au sens qu'il n'y en a qu'une faible combinaison, quoi, que quelques-unes. Alors je rappelais que c'est Rabelais qui a introduit le mot catastrophe en français, mais il a une origine grecque, et vous passez un long chapitre dans votre livre à expliquer l'étymologie de ce mot catastrophe. Alors d'où vient-il et quel sens lui a-t-on donné chez les Grecs ? Chez les Grecs, le mot c'est catastrophein, et il a deux origines, une origine on va dire vulgaire, et puis une origine théâtrale, et c'est l'origine théâtrale qu'on a conservé. L'origine vulgaire, c'était le sens de catastrophe, sans connotation de valeur, sans... Pas forcément dramatique. Pas forcément néfaste, oui. Et puis, au niveau du théâtre, on avait ça appelait le dernier acte d'une tragédie. Et également, les tragédies, à l'époque, n'étaient pas vouées à mal finir. Il y avait des tragédies qui finissaient bien, il y avait des catastrophes heureuses. C'était une sorte de coup de théâtre ? C'était un coup de théâtre, je me demande dans... Alors ça provoquait là, ce qu'on appelle la catharsis, et la catharsis, il me semble, en tout cas c'est une interprétation assez personnelle, mais il me semble que c'est ce qui permet d'éprouver le moment où on est spectateur du monde, pris dans l'illusion théâtrale, pris dans l'événement, pris comme envoûté, c'est-à-dire on fait abstraction de tout le reste, un peu comme moi maintenant, dans cette situation à la radio où j'oublie Macron et compagnie. Et je me retrouve à faire abstraction de tout cela, et dans cette illusion aussi de la production, et du spectateur, et le moment où je retombe sur les fesses sur ma chaise, et de vivre, d'éprouver le fait que le monde peut être pris, la partie peut devenir le tout, et qu'on peut être pris dans un réductionnisme béant, eh bien, ça, c'est la catharsis. C'est aussi d'y être. Et de voir que je n'y étais en fait que par illusion, que par effet. Et donc la catastrophe fait ça aussi. La catastrophe va réduire notre monde. On se retrouve après une catastrophe dans un monde étriqué, dans un monde où on ne peut plus bouger mentalement, où les idéologies peuvent se renforcer, où nous-mêmes physiquement on peut être handicapé, bloqué, pris sous les décombres. On est étriqué à tous les niveaux. J'ai un peu dispatché un peu tout là, mais en tout cas dans la catastrophe grecque, il y avait comment est-ce qu'on est passé de cette catastrophe qui pouvait être et bénéfique, c'est donc ce dernier acte qui pouvait bien finir ou mal finir, à un dernier acte qui était nécessairement tragique. C'est, on suppose, en tout cas l'hypothèse la plus forte, c'est que c'est au moment des concours grecs, donc qui étaient organisés chaque année dans les cités grecques, qui étaient obligatoires, c'est un devoir civique, eh bien, les gens votaient pour les catastrophes qui votaient, applaudissaient pour les catastrophes qui finissaient mal. Donc, le corpus historique qui a conservé ces catastrophes qui ont gagné les concours, eh bien, n'a gardé que ce corpus-là. Et à la Renaissance, on va s'appuyer là-dessus. Donc, le mot catastrophe va être. Donc, si le mot catastrophe a pris le sens qu'on lui donne aujourd'hui, la calamité, c'est parce qu'il a une sorte de victoire de l'audimat. Tout à fait. On applaudissait plus les dénouements sanglants que les autres. Exactement. Donc le faire culture de ça, c'est faire culture, c'est ne pas par exemple si vous avez un enfant, vous n'allez pas le nourrir uniquement de sucre et de ce qu'il souhaite, vous allez lui faire découvrir toutes les saveurs du monde, les consistances du monde, etc. Eh bien, à l'égard de la catastrophe, je dirais le mouvement naturel, c'est le désir, l'envie d'entendre et les meurtres. Je pense aux romans policiers et les films catastrophes qui sont des blockbusters à part entière, etc. Et d'une certaine manière, le devoir de culture, c'est de proposer aussi d'autres dramaturgies du monde. Alors, une catastrophe, est-ce qu'on peut la caractériser un peu plus que par référence aux tragédies grecques ? Par exemple, depuis plus d'un siècle, il y a de nombreux morts sur les routes. C'est un phénomène qui se passe continuellement et on ne parle pas pour autant de catastrophe. Est-ce que, et c'est peut-être un point commun avec le théâtre, pour qu'on parle de catastrophe, il faut qu'il y ait une sorte de temps ramassé, d'espace qui lui aussi est limité, il faut que ça se passe dans un moment donné, à un endroit particulier. Tout à fait. De façon très concentrée, pour qu'on puisse utiliser le mot catastrophe. C'est ça, cette origine théâtrale du mot catastrophe fait que le mot répond aux critères théâtraux, c'est-à-dire unité d'espace, unité de temps, unité d'action. Et spectacularité. Il doit faire spectacle. Alors, un des aspects que j'ai abordé, moi j'ai esquissé le problème dans le livre, qui est le problème des accidents nucléaires de Fukushima. Quand il se produit en 2011, je suis en train de travailler avec une troupe de théâtre qui s'appelle la compagnie Jour Tranquille à Lausanne, en Suisse. Et là, le metteur en scène me demande, c'est un peu un effet de hasard, quoi, où il me dit, tiens, il y a un appel à projet pour travailler entre chercheurs et artistes. Il y a du financement. Est-ce que tu as quelque chose qui te tenterait de travailler avec moi? Et j'étais en train de décrire justement un article sur le problème posé par Fukushima, à poser la question en quoi c'était une catastrophe, Fukushima, mais une catastrophe en termes de concept. Et en fait, Fukushima, les accidents nucléaires, ne répondent à aucun des critères d'une catastrophe en tant que concept. Ça ne veut pas dire que c'est pas tragique, qu'il n'y a pas d'effets pathologiques, etc., et traumatiques, mais en termes de phénomène, c'était ni unité d'espace, ça n'est pas contenu à la seule zone de Fukushima, ça se propage, ça contamine finalement progressivement jusqu'à l'ensemble du globe, ça, les éléments contaminants se retrouvent progressivement sur l'ensemble de la Terre. Ça n'était pas contenu dans le temps, ce n'est pas un événement. Voilà, le tremblement de terre, les murs tombent, et puis on peut reconstruire, ce n'est plus là, c'est un avènement, c'est quelque chose qui est labile dans le temps et qui est voué à la longue durée, dont on peut démontrer même la longue durée. Donc vous faites la différence entre événement et avènement. Événement et avènement. Avènement, c'est le début de quelque chose qui ne s'arrête pas, quoi. Et puis, donc unité de temps, unité d'espace, unité d'action. L'action, c'est quand on peut lire une causalité. Par exemple, à Haïti, en 2010, on sait le nombre de morts dus au tremblement de terre. Par contre, à Tchernobyl ou Fukushima, les liens de causalité entre ce qui est engagé par la contamination et l'irradiation et l'augmentation des cancers sont beaucoup plus flous. C'est pas des causalités strictes, c'est des causalités statistiques, des facteurs de stress dont on a du mal à évaluer concrètement les impacts réels. Il n'y a rien qu'à voir que sur Tchernobyl, la fourchette de personnes touchées par Tchernobyl qui varie entre la quinzaine et le million. Et de fait, c'est pas uniquement des enjeux, c'est des enjeux épistémologiques de comment est-ce qu'on les évalue. Il y a des problèmes de causalité. Qu'est-ce qu'on met, comment est-ce qu'on comptabilise ça. Et le dernier, c'est la spectacularité. Donc c'est invisible, inodore, etc. Donc ça ne fait pas spectacle. On peut pas le montrer comme un tsunami. D'ailleurs, même sur un tsunami, on montrera la vague du tsunami et pas le retrait de la mer qui, pour l'avoir constaté sur le terrain, est ce qui a effrayé le plus les gens. Ce n'a pas été la vague elle-même qui est effrayante, mais ça a été après la vague, le retrait de la mer, où on ne voyait plus la mer. La mer avait disparu. Et quand les gens parlent de cette disparition de l'océan, là, il y a un vrai effroi qui est encore perceptible aujourd'hui. Qui est pire que celui engendré par le spectacle de la vague qui arrive. Oui, à mon sens, parce que la vague, on a des images. On peut la raccrocher à un imaginaire. On peut la raccrocher à des choses qui préexistent. On n'est pas complètement perdu. On le rattache à une histoire qui est préexistante, alors que le retrait de la mer n'a pas été mis. Parce que, imaginons que je montre ici à la télé le retrait de la mer après Fukushima. Qu'est-ce que nous voyons, nous, d'ici? Nous voyons simplement une grande marée. La mer s'est retirée. On ne peut pas la lire sans habiter là et de savoir qu'est-ce que c'est que cette mer à l'ordinaire. Donc il faut connaître le quotidien pour lire cela. Et c'est justement parce que ça vient dans notre quotidien, que ça violente notre habitat, et bien que c'est hyper traumatique. Pour que les auditeurs sachent toute la vérité, je dois dire que je vous ai rencontré au mois d'avril au Japon lors d'un voyage. Et vous vivez au Japon. Est-ce que ce déplacement vers le Japon est consécutif à ce sujet de recherche que vous venez d'expliquer à propos de Fukushima? Ah oui, tout à fait, oui. Et vous vivez au bord de la mer, je crois. Je vis au bord de la mer, dans une zone en plus où le tsunami peut revenir. Le tsunami, alors c'est une zone très sismique, pas loin du mont Fuji, dans la baie de Suruga, la péninsule d'Izu, donc dans un village de campagne. Et là, s'il y a un tremblement de terre et qu'il y a un tsunami, il peut arriver. Donc on a été formés, moi j'ai suivi le... Il y a des comme des sortes de journées dédiées à la prévention de tsunami chaque année. Donc j'ai été là à cette occasion-là dans mon village. Et en fait, il peut arriver en 5 minutes chez nous. Donc il faut. Et c'est pour cette raison que vous avez choisi cet endroit où il y a un désir de catastrophe chez vous? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une béance des catastrophes. Il y a un vertige des catastrophes. Ce vertige, je sais pas. C'est une belle question. Oui, ça me fait. Il y a forcément une fascination. Pour moi, n'est pas possible, quoi. Il y en a forcément une, même si je me la voile à moi-même. Alors, vous connaissez la règle de l'émission, Johan Moreau, c'est de passer un morceau de musique que vous avez choisi. Et le premier que vous nous avez indiqué, c'est la fantaisie chromatique de Bach. Nous allons l'écouter. Thank you. Johann Moreau, la fantaisie chromatique de Bach, il me semble que ça n'est pas une musique qui évoque la catastrophe. Alors pourquoi ce choix ? On travaille en ce moment avec ce musicien. Georges Van Damme, qui interprète la Bach. Et l'hypothèse dans cette pièce, c'est que Bach et Jean-Sébastien Bach et Bukowski, Charles Bukowski, peuvent provoquer une forme d'apaisement. Et que si on mélangeait les deux, donc le titre de la pièce c'est Bachowski, on aurait peut-être un super monstre pour nous aider à vivre une catastrophe du monde contemporain. Quand vous dites on, c'est vous-même ? La compagnie. Une compagnie de théâtre. Une compagnie. Je suis dans laquelle je suis dramaturge. Alors du coup, vous n'êtes pas qu'anthropologue, vous n'êtes pas que physicien, vous êtes aussi dramaturge. C'est ça que je comprends ? Oui. Bon. Ça m'a permis de financer ma thèse de doctorat. Et c'est votre thèse de doctorat qui a engendré le livre dont nous parlons, Vivre avec les catastrophes. Tout à fait. Alors comment est-ce qu'on dit japonais comment est-ce qu'on dit, pardon, catastrophe en japonais ? Saigai. Saigai. Saigai, saigai, c'est le quand on l'écrit, ça conjoint deux éléments de la nature, l'eau et le feu. Et quand l'eau et le feu sont non plus en cohabitation, en couplage, s'épousent, alternent l'un l'autre, mais qui sont l'un dans l'autre, eh bien, il y a catastrophe. Ça produit la catastrophe. Mais est-ce que lorsqu'un Japonais prononce ce mot, est-ce qu'il comprend la même chose que nous lorsque nous prononçons le mot catastrophe ? Ah non, ça c'est un problème complexe. Ouais. Vous parlez beaucoup du langage dans votre livre, le fait que il y a une sorte, au moment où la catastrophe se produit, de distorsion entre ce qui se passe et les mots qui pourraient le dire. De sorte que, en fait, on réagit souvent par des onomatopées. Et il y en a beaucoup en japonais, je crois, puisqu'il y a un dictionnaire des onomatopées en japonais qui n'y a pas en français. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mots manquent et que ce qui est vécu est complètement indicible. On ne sait pas le comprendre, donc on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire en mots. Mais on peut le dire, alors on ne peut pas le dire. On ne peut pas produire du sens des catastrophes. Je pense même à terme, on ne peut pas produire du sens des catastrophes. On peut combler le béance du sens. On peut combler en partie l'aberrance qui a été soulevée. Mais par contre, dans les onomatopées, ce qui est vraiment, je trouve, très intéressant, ce qu'on a aussi dans la musique, c'est qu'on n'est pas en train de dire quelque chose, d'énoncer du sens, de chercher à construire du sens, mais on dit des sons. Dans l'onomatopée, on est dans un registre antéprédicatif. On n'est pas en train d'élaborer le sens. On est en train d'avoir. Ce sont des mots, par exemple, oh, ah. Putain, merde, my god, etc., sont des mots qui permettent non pas de dire ce qui arrive, mais de dire le fait qu'il arrive quelque chose. Et le fait qu'il y a quelque chose à voir. Moi, j'appelle ça le savoir, mais avec un CCDI. CCDI A. C'est-à-dire, on peut montrer, mais on peut pas expliquer, expliciter, signifier, etc. Et le déploiement de cet entre-deux, entre ne rien faire, et le dire au moyen du langage, donc le ramener au champ du sens, eh bien, il y a cet intermédiaire qui est à la fois le champ onomatopéique, l'interjection, de la musique aussi, du coup. Et l'intéressant aussi, c'est que la grammaire met vraiment tout en défaut, hein, on dit impossible, impensable, inconcevable. Elle met en défaut la grammaire, bien sûr. Et les onomatopées sont des constructions agrammaticales. Et alors après coup, vous dites, en prenant l'exemple du tremblement de terre de Kobe, qui s'est produit le 17 janvier 1995, vous citez un sociologue japonais qui s'appelle Masahiro Ogino, je prononce bien. Oui. Et il parle de l'infini à propos de... Le sentiment de l'infini. Le moment où se produit la catastrophe, c'est un moment qui donne le sentiment de l'infini. Tout à fait. Ce petit livre est magnifique, il s'appelle Fissure. Et il décrit, donc je l'interprète aussi, hein, il décrit ce qui se produit. Donc c'est un sociologue, il vit à Kobe le 17 janvier 1995, et il décrit donc de l'intérieur une catastrophe, ce qui est déjà très rare en soi. Et il fait en quelque sorte son enquête, mais il l'a fait aussi pour lui-même. Et ce qu'il va montrer, c'est qu'une catastrophe, c'est avec lui, j'ai compris ce que voulait dire « région sinistrée ». C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe, tout de la région est sinistré. C'est pas seulement les hommes, c'est aussi les animaux, c'est aussi les arbres. Un arbre, par exemple, qui a survécu à un tsunami, je dis survécu d'ailleurs, le mot est déjà signifiant, qui reste là après le tsunami, le long du rivage où il n'y a plus rien, cet arbre-là est un survivant. il peut aussi exprimer la catastrophe. Et on le voit dans le rapport aux choses, même. Pour ma part, après l'incendie de ma maison en 2010, vous avez subi vous-même une petite catastrophe. Pour un chercheur, il n'y a pas pire que de... Vous avez perdu tous vos documents. Que de perdre tous ces documents. Donc j'ai vécu cette catastrophe-là, et quand je retrouve là-dedans un bolor à coups, il y a effectivement une communauté de sensations. Un bol en céramique japonaise, pardon. Il y a une communauté avec lui. Il a traversé aussi ça. Il a à la fois le signifie et à la fois la porte. Et il entre dans cette communauté de sensations. Il est avec moi dans cette catastrophe. Et donc ce bol-là, je garde la suie qu'il avait. Donc les objets subissent eux aussi les catastrophes. Oui, et oui. C'est ça, dans cette communauté de sensations dont parle Ogino, il y a tout. C'est-à-dire même les animaux domestiques, bien sûr. Le chien, les chats, ça se sent, ça se vit, on est en commun avec eux, même les plantes. Et ce sont des choses qu'on voit sur le terrain. Il y a effectivement une communauté et tous ces survivants-là. Alors Ogino pousse cette région sinistrée jusqu'à la fissure elle-même, qui est le titre du livre, de l'ouvrage, qui a été créé par ce tremblement de terre et qui elle-même est la bouche béante de la terre. Donc c'est dans cette région, elle est sinistrée jusqu'au sol lui-même, jusqu'à la géologie elle-même. Il raconte que les rescapés arrivent à parler de la catastrophe après coup, ils sont même très bavards, ils n'arrivent pas à en parler avec ceux qui n'ont pas vécu. Il y a une logorée, oui, entre eux. Alors il dit, je le cite, hein, « En fait, l'explosion de parole et le silence profond ne sont pas incompatibles. » Derrière les paroles abondantes, il subsiste des choses dissimulées. Il y a toujours une part de silence. C'est précisément l'expérience de l'infini. C'est cette expérience qui donne lieu à l'explosion des paroles. Ces paroles, ces témoignages, ne sont souvent que des résidus de ce qui ne sera jamais exprimé par le langage. Donc comment est-ce qu'on arrive après coup à donner du sens à ce qui ne peut jamais être dit par le langage ? Bien parce qu'on ne fait pas monde tous de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne vit pas tous les catastrophes de la même manière. Et donc, là où il y a eu un trou ou une béance pour l'un, et bien pour l'autre, c'est resté un peu plein ou juste pour eux à cet endroit-là, et la béance s'est faite ailleurs. Et c'est en fait en confrontant nos expériences, en confrontant les points de vue, qu'on arrive comme ça, chacun, à mettre le petit bout de bricolage que s'est fait l'un à tel endroit, et le petit bout de bricolage que s'est fait l'autre à tel endroit, qui sont des endroits différents, et à rendre, non pas à produire du sens de la catastrophe, mais à se la rendre acceptable, à pouvoir vivre avec. Mais vous dites aussi qu'il faut qu'il y ait des controverses autour des catastrophes. Vous dites que le fait qu'une catastrophe fait controverse est fondamental pour le rétablissement de la vie collective. Exactement, la controverse, c'est l'exercice de ces vécus différents. C'est la transmission de ces vécus différents, et c'est la transmission non pas consensuelle, comme si on l'avait vécu tous de la même manière et que c'était pour tous le même événement, mais un exercice du dissensus. Et l'organisation de ce dissensus. Donc ça se produit après coup, ça veut dire que les catastrophes ne sont pas uniquement catastrophiques. Elles réorganisent les choses, elles changent l'ordre. Bien sûr. Et alors au Japon, par exemple, où il y a eu beaucoup de catastrophes liées au tremblement de terre, au tsunami, est-ce que le rapport à tout cela est différent de celui qu'il est chez nous, par exemple ? En France, on parle beaucoup de Fukushima, on parle peu du tsunami qu'il a enclenché, alors que j'ai pu constater lors de mon voyage au Japon qu'au Japon, on parle plutôt de la catastrophe du 11 mars 2011, c'est-à-dire surtout le tsunami. Oui. Est-ce que c'est lié au fait que on n'a pas vu de photos de cadavres, parce que les Japonais ne filment pas, ne photographient pas les cadavres, donc la mémoire n'a pas été marquée autant que la pulette par d'autres événements du même ordre? Je pense. Tout à l'heure, on a évoqué le séisme de tremblement de terre de Kobe. Nous parlons du tremblement de terre de Kobe. Mais si on pose la question aux Japonais, qu'est-ce qui s'est passé en 1995 au Japon, les gens ne parlent pas du tremblement de terre de Kobe. Ils évoquent les attaques au gaz sarin qui font une dizaine de morts à Tokyo, dans le métro de Tokyo. Ils n'évoquent pas le tremblement de terre. Expliquer que la mémoire ne soit pas du tout marquée de la même façon, alors que si on compare les nombres de victimes, on a quand même une différence incroyable entre celle du tremblement de terre et celle de l'attentat. Oui. C'est que dans l'attentat, ce sont des Japonais qui se retournent contre des Japonais, ce sont des Japonais qui provoquent cet attentat. Et donc ça touche à l'ordre social. Alors que les tsunamis ou les tremblements de terre sont pris en gros dans la logique géologique. Et ils font culture au travers d'entités tutélaires, les kami, les donc selon des entités tutélaires ou les namazou qui sont des sortes d'énormes. Donc il y a des figurations d'énormes poissons-chats. Il y a des figurations et une prise en charge à la fois technique avec ces grandes digues qui font tout le pourtour du Japon, etc. À plein de niveaux, prise en charge technique, prise en charge symbolique qui font que c'est pas tant si traumatique. Mais par contre, quand sur l'ordre social, là, il y a, c'est un peu un découpage très très grossier hein, quand même. Mais comment dire cela autrement? France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, on sait d'où viennent les tremblements de terre. On a une théorie, la tectonique des plaques, qui explique comment ça bouge et que, de façon régulière, ça doit casser à certains endroits. Comment est-ce qu'on vivait les tremblements de terre quand on ne savait pas leur origine physique? Est-ce qu'ils étaient vécus comme des sortes de revanches de la nature sur l'homme, des expressions de la volonté divine, des punitions? Au Japon? Au Japon, oui. Au Japon, c'était le schéma d'interprétation général, c'était une constipation, j'aime bien le terme. Oui, vous dites même qu'on parlait d'un puissant laxatif à vertu thérapeutique. Ouais, c'est Smith qui dit ça. C'est-à-dire que la nature accumule des tensions? Donc il y a quelque chose qui circule dans le monde, qui s'appelle le ki, c'est un souffle vital, le souffle énergie ou souffle vital. D'ailleurs, on dit la même chose en physique, hein, l'énergie aussi, qui se conserve et qui se transforme. Eh bien, ce souffle vital s'accumule quelque part, il va se libérer brutalement, et ça, c'est une catastrophe. Donc, par exemple, sur le séisme de 1855, donc qui détruit Tokyo, eh bien, il y a eu deux phénomènes qui ont accumulé le ki. Donc le souffle vital. Le premier, c'était les commerçants qui étaient normalement la basse caste à la base et qui commencent à devenir riches, qui accumulent les richesses et qui les engrangent dans des greniers qui se sont d'ailleurs effondrés. C'est un des éléments de l'interprétation de cette catastrophe. Et qui donc n'ont pas fait circuler cet élément essentiel, ce métal. Il y a cinq éléments dans la cosmologie japonaise. Et donc ils accumulent le métal, l'or, le métal par excellence, dans ces greniers. Et donc il faut le libérer. Et le tremblement de terre permet ça, il effondre aussi. Il est au service d'une sorte de justice sociale? Du coup, il est interprété dans ce sens-là, oui. Il sera au service, le fait qu'il soit au service, ça lui donne sens. Et l'autre point d'accumulation, de refus, en fait, de circulation d'énergie, c'est le début de la mondialisation, le refus de l'empereur d'ouvrir le Japon aux flux mondiaux. Eh bien, ce reflux-là est aussi un refus une accumulation à l'extérieur du souffle vital puisque les structures étatiques ont été extrêmement touchées, beaucoup plus que les autres dans ce tremblement de terre qui va ça veut dire qu'on trouve toujours un sens après coup, une interprétation qui permet de renormaliser ce qui ressemblait au moment où on l'a vécu à une faillite du sens. Oui, l'enjeu du sens est primordial en tout cas. On ne trouve pas un sens, on prête un sens. Alors, à propos du tsunami, là, je parle de celui de 2011, qui a fait 30 000 morts, je crois. Vous citez quelqu'un de la Croix-Rouge, je crois, qui remarque que les victimes du tsunami n'aiment pas parler d'avenir. Qu'est-ce qui, dans l'épreuve de la catastrophe, fait qu'on ne veut pas parler du futur? Dans la catastrophe, on est déjà ramené à un niveau d'existence qui est organique. C'est-à-dire, déjà, on n'arrive même pas à dormir. Retrouver l'appétit, c'est déjà une vraie bataille. Et ce niveau organique, il faut déjà le surmonter. Et pour pouvoir se projeter, c'est-à-dire se projeter dans le futur, ou dire même je vais aller voir le voisin, ça devient une épreuve insurmontable. La mise en faille, qu'est-ce qui fait qu'on se projette dans le futur? C'est qu'on... On est en mesure de faire des projets. Qu'est-ce qui fait qu'on est en mesure de faire des projets? C'est que le monde est suffisamment stable pour que ça soit envisageable. À partir du moment où le monde est vécu comme une impermanence radicale, et qu'on est pris dans cette impermanence radicale, on n'est pas dans le temps du projet. On est dans le temps d'un temps de survie, un temps de, on est proche du chaos. Mais les Japonais, vous le dites, sont mieux armés pour penser l'impermanence que nous autres occidentaux. Et pourtant, ils ont des projets. Et puis, ils vivent des catastrophes. Et oui. Excusez-moi de soulever cette contradiction. Alors, il y a un registre d'impermanence. Oui. Après, on peut faire culture et de l'impermanence et de la permanence. C'est-à-dire faire culture de l'impermanence, par exemple, c'est concevoir que le passage du temps n'est pas forcément une dégradation progressive et qui mène à la mort ou qui mène à l'effacement. À la corruption. Mais à la corruption, mais quelque chose qui peut provoquer un effet de patine, qu'il faut que les choses deviennent de plus en plus belles au fur et à mesure du temps. Donc le passage du temps... Le travail de l'impermanence joue aussi sur d'autres choses. Et la patine en est un. Mais, par exemple, Heidegger, lui, parle de l'homme, de l'être humain pour la mort, avec cet être humain individualiste, individuel. Eh bien, du point de vue de Watsuji Tetsuro, un philosophe japonais qui avait été l'élève de Heidegger, bien qu'ils aient le même âge, dit non, on n'est pas des êtres pour la mort. En tant qu'individu, nous allons mourir. Mais cette mort en tant qu'individu participe à la vie sociale, elle est nécessaire à la vie sociale. Donc, ce qui est un régime d'impermanence, qui est la mort, ma propre mort, la vôtre, etc., des individus, eh bien, elle est à un autre niveau, un régime de permanence qui est celui de la société. Donc, le rapport japonais à l'impermanence est surmonté par des échelles, des niveaux d'existence, qui permettent de considérer, par exemple, nous considérons que à l'échelle quantique, à l'échelle atomique, c'est le gros bordel, que ça s'agite de partout, que c'est que des probabilités. Il y a des lois. Des probabilités de présence, mais il y a quand même des lois. Des lois très très rigoureuses. Mais parler d'existence en tant que sujet ou là-dedans, ça devient complètement quand j'avais fait le travail sur Fukushima et que j'avais dit à une des comédiennes, Fiamma Kamezi, à chaque minute, on avait 2 millions d'atomes qui se désintégraient dans le corps. Le changement d'échelle pour elle était pas. Il faut avoir fait de la physique pour comprendre que c'est rien, que c'est constitutif du vivant même, de la matière. Et elle, non, crise d'angoisse. La capacité à changer les niveaux d'interprétation, je pense que c'est ce qui fait que ce qui est impermanence à un niveau donné est permanence à un autre niveau. Ce qui est impermanence à l'échelle des individus est permanence à l'échelle du social. Ce qui est impermanence à l'échelle du social est permanence et le lot ordinaire du comportement géologique. S'il n'y a pas de tremblement de terre sur Terre, s'il n'y a pas d'activité tectonique, la planète Terre est une planète morte et il n'y a pas de vie sur Terre. Donc cette impermanence-là, elle est aussi nécessaire. Donc la manière de traiter l'impermanence n'est pas toujours à l'horizontale, sur le même plan, c'est aussi de changer de mode d'existence, de niveau d'existence. Alors, je pense que les Japonais font ça. Yann Moreau, quand on parle des catastrophes, on parle du bilan en termes de nombre de blessés, de morts, mais il y a aussi des dégâts psychologiques. Est-ce qu'ils ont été repérés? Est-ce qu'il y a des classifications qui sont universelles? Ça, c'est une question... De classification. Il y a des états de torpeur, il y a des états de dépression. De sidération, bien sûr. Ouais. On peut dire que ça, c'est une constante. Une des constantes anthropologiques qui se retrouve dans toutes les sociétés, en tout cas que j'ai étudiées, c'est l'onomatopée. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est l'expression sonore, et pas dans le registre du sens, de ce qui se produit. Et puis, l'effet de sidération, effectivement, il y a un effet de catatonie. On ne peut plus penser, on ne peut plus bouger, on ne peut plus se projeter dans l'avenir. Eh bien, comme ça, à titre d'anecdote, mais il y a un moyen d'en sortir. C'est les personnes dont on dit qu'elles sont des héros, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir pendant la catastrophe, le temps de la catastrophe, ont un point commun, c'est qu'ils ne regardent pas directement. Quand la catastrophe arrive, ils ne la regardent pas directement. Ils voient d'abord le fils du voisin ou leur propre enfant qui regarde le tsunami. Et du coup, c'est comme la Gorgone. Ils ne regardent pas la catastrophe directement, mais l'œil de l'enfant joue le rôle de bouclier. Et ils voient à travers l'œil de l'enfant la catastrophe. Et ça permet d'éviter la stupeur. Sinon, la catastrophe est l'arrivée et le surgissement de l'impossible, de l'impensable, de l'inconcevable, de tout ce qui nous rend inexistants. Ça peut aboutir au déni du fait qu'elle a lieu. Tout à fait. Alors c'est aussi un des signes des vraies catastrophes entre guillemets. C'est-à-dire les catastrophes. Je le traite dans un cas d'étude qui se passe à Vanuatu au début du siècle dernier. en 1913, c'est on ne voit pas nos propres catastrophes. Il y a un effet d'aveuglement. Qu'est-ce qui s'est passé en 1913? En 1913, il y a deux catastrophes en cours. Il y en a une qui en 1913, il y a une éruption volcanique sur l'île d'Ambrim, en Vanuatu, et il y a une autre catastrophe qui était en cours, qui était l'arrivée des colons en 1870, donc 40 ans avant. Qui est moins instantanée. Qui est plus processuelle, oui. Et en fait, la perception de l'éruption par les colons, c'est d'abord, ils sont aveugles. C'est-à-dire d'abord, on a des récits magnifiques où il boit son whisky en disant « Je suis en train de regarder le plus beau spectacle du monde ». Il écrit ça à son ami à Oxford. Et il est en train de regarder tout le monde. Tous les Occidentaux présents regardent ça comme un spectacle avant de se rendre compte, quand ça commence vraiment à faire du grabuge, qu'il faut partir. Mais les locaux, eux, partent dès le début. Il y a un des colons qui décrit qu'il doit les maintenir sur place avec sa carabine parce que les gars veulent partir. Ils ont compris, ils la voient, la catastrophe, dès le début. À l'inverse, les locaux, quand arrivent les colons, ne voient pas arriver la catastrophe du colonialisme, les accueillent avec tous les honneurs, les reçoivent très bien en se disant qu'ils vont pouvoir résoudre leurs disputes internes entre familles. Et en fait, la catastrophe arrive dans un second temps. Donc il y a d'abord, pour toute catastrophe qui touche fondamentalement à ce qui fait notre monde, à la structure de notre monde, eh bien, il y a d'abord un aveuglement avant d'avoir un consternement. Johann Moreau, c'est le moment de la deuxième partie musicale. Vous avez choisi un chant de pygmée du nord du Congo. Vous allez nous expliquer ça plus précisément après que nous l'aurons entendu. Johann Moreau, c'est donc un chant de pygmée du nord du Congo lors de la cérémonie du Bobé. Qu'est-ce donc ? C'est, j'adore moi ces chants. J'adore. J'ai une affinité toute particulière pour les pygmées. C'est une société qui dont la métaphore première du monde est la musique, musicale. Donc ils vont traduire, je sais pas, d'aller chercher le miel sous une forme qui emprunte au vocabulaire de la musique. Et voilà, c'est l'expression d'une fascination. Et j'aime beaucoup ce passage-là dans ce disque-là, parce que la musique est complètement prise dans la vie. Elle n'est pas jouée sur scène. On entend marcher dans les marais. On est pris dans la vie est intimement mêlée. Il parle et chante en même temps. Voilà, la musique est intimement mêlée à la vie. Et ça, j'aime le ressentir. Et c'est le bobet, si j'ai bien compris, c'est une cérémonie qui est consacrée à l'esprit de la forêt. Je connais pas le détail. Ouais. Je me rappelle plus. Ce disque a brûlé dans l'incendie dont on parlait tout à l'heure. Donc du coup, je ne l'ai pas réécouté depuis un moment, mais je l'aime beaucoup. Il y a un point commun avec Bach aussi, c'est que les deux travaillent en polyrythmie, surtout en polyphonie, en contrepoint. Et le travail du contrepoint, je l'aime beaucoup parce qu'on parle aussi de... C'est Georges Vandamme qui m'a appris ça tout récemment. On parle de contre-sujet. Et donc pour moi, c'est l'expression dans la musique de l'émergence d'une altérité radicale et qui, en même temps, au travers de la musique, fait émerger quelque chose de tout à fait nouveau. Et j'aime, peut-être que c'est ça que j'aime éprouver dans ces deux musiques. C'est le fait qu'il y ait des contre-sujets. Et qu'on soit encore, d'une certaine manière, dans l'expression de la controverse, l'expression du dissensus. Et que ça soit pas... comme disait mon ancien maître, François Laplantine, qui a été mon premier directeur de recherche pour la maîtrise des 2A, il disait « Ce n'est pas parce qu'il y a écart qu'il n'y a pas accord. » Et donc, c'est de vivre ça, j'adore. Et pour en revenir aux dégâts psychologiques dont nous parlions avant le passage de ce morceau de musique, vous racontez dans votre livre une scène qui s'est produite au Chili le 11 mai 2010, lors du tremblement de terre. Et parmi les dégâts psychologiques, il y a aussi le sentiment de culpabilité, non seulement d'avoir été un survivant, mais aussi d'avoir mal agi pendant la catastrophe. Est-ce que vous avez des anecdotes qui éclairent ça? Oui, justement, encore en 2010, tout se passe en 2010 au Chili, je crois que j'y vais en juin. Le tremblement de terre, c'était le 11 mai. Le 11 mai, et qui a été beaucoup moins médiatisé parce qu'il se produit de nuit, donc il n'est pas spectaculaire. Mais j'étais chargé de mission là-bas pour faire une évaluation, et dans un des villages, il y a une femme qui racontait son vécu du tremblement de terre comment elle l'avait vécu. Et elle, au moment où ça tremble, donc de nuit, elle est en train de dormir, elle comprend que c'est un tremblement de terre, elle regarde autour d'elle, elle voit la télé qui va tomber, elle prend la télé, elle sort avec la télé dans la rue. Et puis une fois dans la rue, elle pense qu'il y a sa fille dans la maison. Et heureusement, sa fille a pu sortir par la fenêtre de sa chambre, et donc survit aussi. Mais là, il y a a posteriori toujours l'envie de vouloir rationaliser nos actions en situation de catastrophe. Or c'est complet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, vous dites que quand elle vous raconte cette anecdote, qui a un sens terrible pour elle, elle pleure. Elle pleure, et moi-même. Bien que sa fille soit sortie vivante de l'affaire. Et moi-même, je pleure parce que du coup, ça se produit en mai. Moi, l'incendie de la maison était en janvier. Et c'est la première fois que quelqu'un mettait des mots sur l'effondrement d'une maison. Et à ce moment-là, pour moi, elle dit aussi l'effondrement de ma propre maison. Donc j'ai un moment où finalement, je la quitte pour aller moi-même m'épancher la découverte de ma propre catastrophe. Ça veut dire qu'on ne peut comprendre ce que vivent ceux qui vivent une catastrophe que si on a vécu soi-même une catastrophe? Oui, mais on en vit tous. Plus ou moins. On vit tous des événements, c'est vrai quand même. C'est vrai que, par exemple, si je dis la consistance que peut prendre quelqu'un qu'on rencontre dans un rêve, je sais pas, je rêve de ma grand-mère, elle n'a plus, cet être de rêve n'a pas la même consistance quand je l'ai perdu que quand elle était encore vivante. Quand je l'ai perdue, ça devient pratiquement un espace de dialogue. Je cherche là-dedans. Donc effectivement, c'est quand je vis la catastrophe de la perte d'un être proche qu'il y a tout un pan du monde, des réalités du monde, à laquelle je vais commencer à prêter de l'importance, à laquelle je vais commencer à prêter de l'attention et de la valeur. Donc effectivement, les catastrophes déploient des mondes, elles déploient des autres, d'autres régimes d'existence, d'autres modes d'existence, d'autres rapports. Et c'est, je pense, oui, oui. Donc je répondrai oui à la question. Lauriane Moreau, vous dites aussi vous donnez l'exemple du tremblement de terre du Chili qui s'est passé la nuit, donc qui a été peu filmé, donc peu montré, donc peu médiatisé, que l'heure locale à laquelle advient une catastrophe, c'est très important. La bombe d'Hiroshima a explosé à 8h du matin à Hiroshima. Le tremblement de terre à Haïti, c'était 17h, je crois, heure locale. Et vous parlez longuement du tremblement de terre de Lisbonne, le 1er novembre 1755. Je ne sais pas à quelle heure il s'est produit dans la journée, mais il s'est produit le jour de la Toussaint. Oui. Et le fait qu'il se soit produit le jour de la Toussaint, ça joue un rôle dans la façon de comprendre, puisque c'est un jour où, normalement, fête religieuse, on célèbre Dieu, d'une certaine façon. Comment peut-il faire advenir un tremblement de terre alors même qu'on est en train de le célébrer? Justement, oui. Cette question de la datation des catastrophes, elle est importante. Est-ce qu'on passe au temps universel ou est-ce qu'on passe au temps local? Mais effectivement, pourquoi? Parce que déjà le tremblement de terre dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on a conversé tout à l'heure en 1855 à Edo, lui-même se produit le jour du le mois sans Dieu, le mois sans présence tutélaire. Et à Lisbonne, en 1755, c'est pareil. Le tsunami suivi de l'incendie arrive le jour de la Toussaint, donc le jour le plus sacré entre tous, puisque c'est le jour de tous les saints. Il arrive dans une ville papale, et donc l'interprétation, le modèle d'interprétation générale qui à l'époque était le fléau divin, c'est-à-dire la punition divine, eh bien ne peut plus tenir la route, puisque à partir du moment où Dieu, comment concevoir que Dieu punisse son représentant terrestre le jour le plus béni, le plus sanctifié entre tous pour lui. Donc ça va être, on connaît la controverse entre Voltaire et Rousseau, et on dit aussi que c'est le premier événement européen, puisqu'il est aussi ressenti en Hollande, au Maroc, etc. Donc, oui, Goethe dit lui-même qu'il l'a ressenti lorsqu'il était enfant. Oui, j'ignorais. Et donc on a comme ça un point de basculement où le séisme psychologique, le séisme dans les mentalités, donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, on va engager un rapport au monde qui sera celui des Lumières, qui sera celui d'interpréter les grands aléas, les grands en termes non pas de fléau, de punition divine, mais en termes de catastrophe ou d'accident. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Je voulais qu'on parle un petit peu, Yohann Moreau, d'Hiroshima, parce que je voulais savoir si au Japon, des gens ont mis en relation l'accident de Fukushima, qui est un accident d'un réacteur nucléaire civil, avec le fait que le Japon a été la première et la seule victime d'ailleurs de la bombe atomique, donc militaire, du nucléaire militaire et du nucléaire civil. Est-ce que ce rapprochement a été fait? Est-ce que, au contraire, on sépare le nucléaire civil du nucléaire militaire? Alors, le rapprochement peut être fait, en tout cas, par le fait que l'empereur du Japon intervient sur les deux cas. Le père de l'empereur actuel sur Hiroshima et sur Fukushima, l'empereur du moment. Qui se sont adressés donc publiquement à la nation. Et là, à mon sens, alors moi je l'interprète, c'est une interprétation, à mon sens, il y a les empereurs au Japon sont des représentants d'un autre mode politique, d'un Japon traditionnel, on peut dire. Et quand ils interviennent, pour moi, cela signifie que la cosmologie moderne n'est plus apte à prendre en charge ça, qu'il faut mobiliser une cosmologie plus ancienne, plus souterraine, qui vient de plus loin et qui permettrait de faire justement bouger la manière de faire monde. Donc je pense que vous savez, il y a une culture des catastrophes, bien sûr. Il y a une culture des tsunamis, il y a une culture des tremblements de terre, il y a une culture des cyclones, il y a une culture des guerres, il y a une culture de toutes les catastrophes qui existent depuis longtemps, mais les catastrophes nucléaires n'ont pas encore de culture. C'était tout l'enjeu de notre première pièce de théâtre. Elles n'ont pas de dramaturgie. Elles n'ont pas de... On n'a pas de repères pour les raconter. On n'a pas de récit équivalent. Donc il y a un devoir. Il n'y a pas l'équivalent du tremblement de terre de Lisbonne pour les tremblements de terre d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Il n'y a pas, par exemple, si nous, il y avait par exemple un déluge, on aurait un modèle pour y faire face. On a la Bible qui nous parle d'un déluge, et la Bible va parler très précisément de la manière de fabriquer l'arche. Il dit, il faut faire des arches. Et puis, il y a tout un modèle éthique. Il faut emmener un couple de chaque animal. Et puis, aussi, tout un modèle transgressif. Vous pouvez boire du vin et puis faire l'amour avec votre fille. C'est ce qui se produit. Donc, il y a des situations de survie qui justifient la transgression et qui, en même temps, convient une éthique. Donc, on aurait des modèles pour agir. Quand on est face à ces catastrophes d'un nouveau genre, impalpable, insensible, etc., intraçable, que sont les accidents nucléaires, on est en devoir de faire culture à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et comment ça s'est passé à Hiroshima, justement? Comment est-ce qu'on nomme l'événement, puisque ce qui est vu là n'a jamais été vu, n'a jamais été raconté? Une boule de feu, un souffle? Le mot que les Japonais utilisent pour désigner l'événement, c'est déluge de lumière. Non, c'est déluge de lumière. Il en parle à un autre moment, cet auteur. C'est une onomatopée. Picadon. Voilà, picadon. Picadon qui pica, c'est le son, c'est l'effet ressenti en regardant la foudre, mais avant que le son nous parvienne. C'est pas le son de la foudre, c'est le son de l'effet et du saisissement jusqu'à temps que le son nous arrivera. Cet état de tension, cet état d'être, d'attention, ça c'est pica. Et si et don, c'est le bruit sourd. Et donc il signifie cet événement, il le signe. Non pas il ne le signifie pas, il le signe, il l'indique avec cette onomatopée qu'il n'arrive pas à interpréter. Et d'ailleurs un des traumas, une des choses qui a brûlé dans ma maison, donc c'était des carnets d'études que j'avais fait sur des villages avoisinants Hiroshima où les gens s'étaient armés de bâtons. Pour refuser l'accès à leur village aux réfugiés de Hiroshima. Pourquoi ? Parce que ils pensaient ces personnes n'avaient pas les traumas. On ne lisait pas simplement l'incendie. On lisait d'autres. Il y avait d'autres effets, la perte des cheveux, d'autres symptômes qui leur disaient à eux c'est une épidémie. Donc ils se sont mis en quarantaine. Et donc il y a un trauma très fort. De double peine. Oui, il y a un trauma. Un non-dit, un trauma très lourd sur ces villages, puisqu'ils font un anachronisme. Ils lisent à l'aune de ce que l'on sait aujourd'hui que c'était une bombe atomique, mais ils ne le savent pas sur le moment. Ils lisent à l'aune de cette connaissance-là qu'ils n'avaient pas sur le moment leurs actes, l'acte de leurs grands-parents. Alors, Yann Moreau, il y a un sociologue que vous connaissez sûrement qui s'appelle Henri-Pierre Jeudy, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le désir de catastrophe ». Mmh. Et il dit que ce désir vient du fait qu'il faut discerner dans le désir de catastrophe l'expression même des échecs des programmes à venir, où la fascination, dit-il, pour le risque serait une manière de résister à l'uniformisation, d'autant qu'un tel culte du risque, dans un cas de surprotection et de menace de catastrophe, offre aussi la croyance d'être en position de choisir et de nier la souveraineté du spectacle du monde. Fin de citation. L'idée que la catastrophe, on la désire parce qu'on espère qu'elle va remettre de l'ordre quelque part, par le désordre qu'elle installe, provisoirement. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Quelque chose, je comprends que maintenant je ne réduirai pas à l'idée simplement de la catastrophe. C'est bien pour ça que c'est vivre avec les catastrophes, qui est le titre de mon ouvrage. C'est parce que en gros, là, les Franck Garnieri, donc le directeur du laboratoire de recherche sur les risques et les crises, quand il m'appelle pour travailler avec lui, c'est qu'il constate à Fukushima l'effondrement du paradigme de l'ingénierie. Cet effondrement qui se traduit sur place le 11 mars 2011 jusqu'au 16-17 mars 2011 par l'absence totale de données techniques, de data. Et donc sur l'état de la centrale, les mesures de pression, de température, d'irradiation, de contamination, etc. Et comment est-ce que là-dedans on fait pour pouvoir continuer à agir, à penser là-dedans? Yoshida, donc le directeur de la centrale, déploie des systèmes, c'est-à-dire, par exemple, il va se comporter à l'égard de la centrale comme si c'était une bête. Il le dit dans la commission. Les membres de la commission lui redemandent, mais vous comportiez face à la centrale, donc vous vous comportiez face à la centrale comme si c'était un être vivant. Il répond exactement. C'est ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a d'autres paradigmes de pensée, d'autres rapports au monde qui se mettent en place, qui permettent la continuité de l'action, qui permettent de continuer à réfléchir, parce qu'il y a eu effondrement de l'autre. Donc le paradigme du risque dont parle Henri-Pierre Jeudy ici, il est l'une des manières de prendre en charge les aléas, les surgissements dans le monde, les catastrophes, mais il y a d'autres manières de prendre en charge, et ces autres manières doivent coexister. On ne peut pas avoir un paradigme unique. Donc quand Franck Garnieri m'appelle, il appelle un anthropologue dans un laboratoire de l'école des mines pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir faire un pas de côté, pour pouvoir avoir de l'altérité, introduire de l'altérité dans le rapport, dans la gestion des crises, des accidents nucléaires. C'est-à-dire qu'on attend quand même de la catastrophe qu'elle puisse, outre les dégâts qu'elle provoque, avoir aussi, après coup, quelques effets bénéfiques. C'est ça, en fait, c'est que on a tous une fascination à l'égard des catastrophes, mais ce ne sont pas les mêmes fascinations. Ce qui fait catastrophe pour les uns ne fait pas catastrophe pour les autres. Tout à l'heure, on prenait l'exemple d'Ambrim, l'éruption volcanique va finalement chasser les colons, et les Ambrimais n'auront plus les colons chez eux et n'auront plus cette catastrophe, ce qu'ils vivaient comme une catastrophe. Et à l'inverse, les colons qui voyaient cette entreprise de civilisation comme un bien pour l'humanité, il y a inversion, quoi. Ce qui est catastrophe pour les uns peut être vu bénéfiquement par d'autres. Merci Johann Moreau d'être venu nous rendre visite depuis le Japon. Je recommande à nos auditeurs non pas de vivre avec les catastrophes, mais de lire votre livre qui s'appelle « Vivre avec les catastrophes ». Vous nous avez éclairé sur les catastrophes, ce qui n'est pas la même chose que de défendre le catastrophisme éclairé, vous êtes d'accord? On aurait pu parler de Jean-Pierre Dupuis. Oui. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Clotilde Thomas et à la réalisation François Connac. C'est-à-dire dans quelques instants, nous retrouvons Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.